Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibin tahirin. Allahümme allimna ma cehilna ve zekkirna ma nesilna ve zidna ilma ve na'udhu bika min hali ehlin nar. Allahümme vec'al niyatina khalisatan li vechikel kerim. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. هذا درس لشيخنا أعطاه في بيته بتاريخ 3/1/95. Donc ça c'est un cours de notre cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, qu'il a donné chez lui le 3 janvier 1995. قال أما بعد فقد أخرج الترمذي في جامعه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر بالجابية الجابية أرض من بر الشام قال ابنه عبد الله وعمر بن الدينار قام فينا عمر بن الخطاب بالجابية وقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيام هذا فقال أوصيكم بأصحاب الحديث. الترمذي a rapporté dans son jami' d'après le hadith de Omar ibn al-Khattab que Allah l'agré, et Omar se trouvait à ce moment-là à Al-Jabiya. Al-Jabiya c'est le nom d'un endroit dans le pays de Al-Sham. Al-Sham, vous savez, c'est tout ce qui englobe la Jordanie, la Palestine, le Liban et la Syrie. Tout ça, ça s'appelle Hacham. Donc, son fils Abdullah et Amr ibn Dinar ont rapporté, ils ont dit, Omar ibn Khattab s'est tenu debout à Al-Jabiya et il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis debout et nous a dit. Ce qui signifie en français, je vous recommande de suivre mes compagnons jusqu'à la fin du hadith. Al-hadith, usikum bi ashabi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Thumma yafshu al-kadhibu. Thumma yafshu al-kadhib. Fayahlifu al-rajulu wa la yustahlaf. Wa yashhadu shahidu wa la yustashhad. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin. إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ومن الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. Dans le hadith, le messager alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie « Je vous recommande de suivre mes compagnons, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. » Ensuite, le mensonge va se propager. Il arrive à l'homme de jurer sans qu'on ne lui demande de jurer. Il arrive à l'homme de témoigner sans qu'on ne lui demande de témoigner. Si jamais un homme se retrouve seul en présence d'une femme, le shaitan sera fort pour les entraîner au péché. Et le shaitan craint le groupe, c'est-à-dire restez en groupe et ne vous dispersez pas. Car le shaitan est plus fort lorsque la personne est seule et que s'il y a deux. Celui qui veut profiter du paradis qui s'attache à la majorité. At-Tirmidhi a dit, c'est un hadith Hassan Sahih Gharib. Et le compagnon, wa qala sahibu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Mas'ud al-Badri, inna allaha lam yakun li yajma'a ummata Muhammadin ala dalalah. Fahad al-hadith al-sahih yadullu ala anna ma alayhi jumhuru ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam huwa al-haq. وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ خِلَافُ الْحَقِّ. Et le compagnon du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abu Mas'ud al-Badri, il a dit ce qui signifie: Allah a fait que la communauté de Muhammad ne soit pas tout entière sur un égarement. Allah a fait que la communauté de Muhammad ne se met pas d'accord sur quelque chose de faux. Ce hadith qui est authentique est une preuve, ce que, à savoir que la croyance de la majorité de ceux qui se réclament de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la croyance correcte. Et que ce qui la contredit est contraire à ce qui est correct. جمهور الأمة المحمدية إلى يومنا هذا على عقيدة التنزيه. La majorité de ceux qui se réclament de la communauté de Muhammad jusqu'à nos jours sont en pour croyance à التنزيه, c'est-à-dire l'exemption de Allah de toute ressemblance avec les créatures. جمهور الأمة المحمدية على الإثبات والتنزيه نثبت أن الله ذات أزلي أبدي لا يتغير ولا يتطور وأنه منزه عن الحد. C'est-à-dire, nous confirmons que l'être de Allah est un être qui est de toute éternité, qui ne change pas, qui n'évolue pas, et que Allah est exempt de la limite, c'est-à-dire de la quantité. وَأَنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا الذَّنْبُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ هُوَ الْكُفْرُ إِنْ كَانَ شِرْكًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ. Et que Allah, donc la croyance de la majorité, et que Allah, s'il veut, il pardonne les péchés du musulman, mais que le péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est la mécréance. Que cette mécréance consiste à attribuer un associé à Dieu, c'est-à-dire le shirk, ou que ce soit autre que le shirk. Al-kufru kullu anwa'ihi la yaghfiruhu Allah. Ala hadha jumhurul ummah, ala hadhihi al-aqidah. La mécréance sous toutes ses formes, Allah ne la pardonne pas. Telle est la croyance de la majorité de la communauté. La majorité de la communauté a cette croyance. وَأَنَّ أَهْلَ الْكَبَائِرِ إِنْ مَاتُوا بِلَا تَوْبَةٍ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ. Et que les musulmans grands pécheurs, s'ils meurent sans avoir fait le repentir, on dit d'eux que ce sont des musulmans, des croyants. فَأَنَّ بَعْضًا مِنْهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا عَذَابٍ وَبَعْضَهُمْ يُعَذَّبُ ثُمَّ يُخْرَجُ فَيَدْخَلُ الْجَنَّةِ. Et qu'une partie des musulmans grands pécheurs, certains d'entre eux qui sont morts sans s'être repentis de leurs péchés, Allah les fait entrer au paradis sans les châtier. Et une partie d'entre eux, ceux qui sont morts chargés de grands péchés dont ils n'ont pas fait le repentir, une autre partie, Allah les châtie, puis il les fait sortir de l'enfer et il les fait entrer au paradis. Ala hadha jumhurul ummah. Telle est la croyance de la majorité de cette communauté. Wa ala anna at-tabarruka bil anbiya'i wal awliya'i fi hayatihim wa ba'da mamatihim ja'izun. Et que le tabarruk, c'est-à-dire la recherche des bénédictions par les prophètes et par les saints durant leur vie et après leur mort, est quelque chose d'autorisé. وأن قصد قبور الأنبياء والأولياء للتبرك بإذن الله تعالى جائز. Et que aller pour se rendre visite auprès des tombes des prophètes et des saints pour le tabarruk, pour les bénédictions, par la volonté de Dieu, est quelque chose d'autorisé. وأن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Et que le meilleur de cette communauté, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali. ثُمَّ لَا نُعَيِّنُ إِلَّا مَنْ عَيَّنَهُ الرَّسُولُ. Ensuite, nous ne précisons pas qui est meilleur, sauf si le messager l'a précisé. الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ خِيَارَ التَّابِعِينَ وَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ قَرَنْ ثُمَّ مِنْ مُرَادٍ. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, c'est un des signes de sa prophétie, il a dit le meilleur des successeurs des compagnons. Donc là, il avait dit à ses compagnons, donc il ne connaissait pas ses successeurs, leurs successeurs. Il a dit, le meilleur des successeurs des compagnons s'appellera Uwais, fils de Amir. Il est du clan de Qaran, de la tribu de Mourad. هذا الرجل كان من أولياء الله الأخفياء كان رث الهيئة واللباس كان هو في عهد رسول الله لكن كان باليمن وما تيسر له أن يأتي إلى المدينة فيزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cet homme, il faisait partie des walis de Allah, de ceux qui étaient discrets. Il était d'une tenue vestimentaire qui n'était pas très élégante, ses vêtements n'étaient pas neufs. Il a vécu à l'époque du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas parti à Médine. Il a vécu au Yémen. Il n'a pas pu aller voir le messager à Médine et le rendre visite. Al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, wasafahu bi ba'di awsafihi allati hiya awsafuhu. Donc le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné la description de Uwais al-Qarani. Il a dit quelles étaient ses caractéristiques. ثم هذا الرجل جاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أيام سيدنا عمر. Puis cet homme est venu à Médine après le décès du messager de Allah صلى الله عليه وسلم. Il est allé à Médine à l'époque de notre maître Omar ibn Khattab que Allah l'agré. عن هذا نقول إنه أفضل التابعين أي أفضل ما جاء بعد الصحابة ولقوا الصحابة أي اجتمعوا بهم. À propos de cet homme Uwais al-Qarani, nous disons oui, il est le meilleur des successeurs des compagnons, c'est-à-dire le meilleur de ceux qui sont venus après les compagnons et qui ont rencontré les compagnons, c'est-à-dire qui ont pu les voir. ثم نقول بعد ذلك من كان أتقى لله فهو أكرم عند الله. Puis après cela nous disons celui qui fait le plus preuve de piété à l'égard de Allah, il a un degré le plus élevé selon le jugement de Allah. حتى انه يوجد من هو افضل من بعض الصحابه. Il y a eu même après les successeurs certains qui étaient meilleurs que certains compagnons. لان الصحابه ليس كلهم على درجه واحده. Tous les compagnons n'avaient pas le même degré, ils n'étaient pas tous du même degré. ومن الصحابه فرقه لا يلحقهم في رفعه الدرجه عند الله من جاء بعدهم. Mais il y a parmi les compagnons certains, tellement ils ont un haut degré selon le jugement de Allah, qu'il n'y aura personne après eux qui va atteindre leur degré. Ce que le Cheikh a cité ici, c'est la croyance de la majorité de la communauté. Celui qui s'écarte de cela, il va à sa perte. ومن هنا نعلم أن الذين شذوا عن الجمهور كالوهابية وجماعة سيد قطب وحزب التحرير ممن يدعون الإرشاد الدينية أنهم ضالون منحرفون. C'est à partir de là que nous savons que ceux qui se sont distingués, qui se sont écartés, qui se sont singularisés de la majorité de la communauté, comme les wahhabites, comme le groupe de Sayyid Qutb, comme le parti qui s'appelle Hizb al-Tahrir, ceux qui prétendent guider les gens dans la religion, nous savons que ce sont des égarés, ce sont des déviés. فَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُمْ وَالْتَحْذِيرُ مِنْهُمْ. Il est donc un devoir de se méfier d'eux et de mettre en garde contre eux. الَّذِي لَا يُحَذِّرُ مِنْهُمْ فَهُوَ آثِمٌ عِنْدَ اللَّهِ إِثْمًا كَبِيرًا. Celui qui ne met pas en garde contre eux, il est dans le grand péché. الذي يريد الذي يرى إنسانا يتردد إليهم ولا يحذره منهم فهو عاص. Celui qui voit quelqu'un qui va chez eux et qui ne le met pas en garde contre eux, alors il est désobéissant parce qu'il n'a pas interdit le mal. إلا إن كان يعلم أنه لا يسمع نصيحته فعندئذ لا يأثم الساكت. Sauf s'il sait que même s'il lui parle, il ne va pas écouter son conseil. Alors dans ce cas, celui qui n'interdit pas le mal ne tombe pas dans le péché. Al-Wahhabiyyatu hadathat mundu 250 sana. Le groupe des Wahhabites est apparu il y a environ 250 ans. Wa jama'atu hizb al-ikhwani alladhina yusammawna al-yawm bi ismin jadid wa huwa al-jama'atu al-islamiyya wa fi ba'd al-bilad yusammuhum 'ibadur rahman 'ibadu. Ha'ula'i mundu 50 sanatan زعيمهم الذي أحدث هذه الفكرة الخبيثة سيد قطب منذ 50 سنة تقريبا أظهر فكرته هذه، وتبعه أناس همج لا فهم بالدين عندهم. Et le groupe de حزب الإخوان, le parti dit des frères musulmans, qui se font, qui ont de nouveaux noms à notre époque, comme le groupe islamique, Al-Jama'a al-Islamiyya, ou dans certains pays, ils les appellent Ibadou. Ceux-là, ils sont apparus depuis 50 ans. Leur chef, celui qui a innové cette idée mauvaise, Sayyid Qutb, il a innové cela il y a une cinquantaine d'années environ. Puis, des gens qui n'ont aucune compréhension de la religion l'ont suivi. Amma Hizb al-Tahrir, فهم أتباع رجل يقال له تقي الدين النبهاني مات برأس النبع ببيروت. Quant au حزب التحرير, le parti dit حزب التحرير, ce sont des gens qui suivent un homme qui s'appelle تقي الدين النبهاني. C'est un homme qui est mort à رأس النبع à Beyrouth. وهذا رجل ضال لا يعترف له العلماء بالعلم. Et c'est un homme qui est égaré. Les savants de science ne disent pas que c'est un savant. وذلك سيد قطب لم يكن معتبرا من العلماء ولا يعد من العلماء. Et سيد قطب également, il n'est pas considéré au nombre des savants et il n'est pas compté. Yani les savants ne le considèrent pas comme un des leurs et on ne le considère pas comme un des savants. وإنما هو رجل منطيق طلق اللسان يستطيع أن يعبر ويوسع العبارة. يعلق الكلام علكا كما يعلق البعير ما في جوفه يرده إلى فمه ثم يعيده إلى جوفه ثم يعيده إلى الفم ثم يعيده. هذا شأن سيد قطب. Quant à سيد قطب, c'est un homme qui est beau parleur. Il sait parler, il arrive à bien exprimer les idées et à détailler dans les expressions. Il mâche les paroles, le cheikh l'a comparé à un ruminant, comme celui qui, comme le chameau qui avale la nourriture, il la mâche, puis il la met dans son estomac, puis il la refait sortir, il la mâche, il la remet à l'intérieur. Donc lui, avec les paroles, il fait comme ça. سحر الناس بطلاقة لسانه إلى أن سرسل لجان par son beau parler. وحرف بعض الآيات القرآنية إلى déformé certains versets du Coran. كل فرقة من فرق الضلال تتشبث بآية من القرآن مع تعريف معنى مع تحريف معنى الآية. Chaque groupe des groupes égarés s'attache à un verset du Coran en déformant la signification. الوهابية تشبثوا في تجسيم الله تعالى بنحو قوله الرحمن على العرش استوى فسروا استوى بجلس أو استقر فجعلوا الله بهذا التفسير مثل خلقه. Les wahhabites se sont attachés pour attribuer le corps à Allah à des versets comme le verset الرحمن على العرش استوى. Ils ont expliqué استوى par s'asseoir ou s'installer ou s'établir. Ils ont ainsi considéré Allah par cette explication semblable à ses créatures. لِأَنَّ الَّذِي يَجْلِسُ لَهُ حَدٌ وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ حَدٌ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْ جَعَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِ. Parce que celui qui s'assoit, il a une limite. Et toute chose qui a une limite a besoin de qui lui a donné cette limite. أَلَيْسَ الشَّمْسُ لَهَا حَدٌ. N'est-ce pas que le soleil, il a une limite? بذلك عرفنا من جهة العقل أن الشمس مخلوقة ليست إله العالم لأنها تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد. C'est ainsi que nous avons su que le soleil, par la raison, nous avons su que le soleil est créé, que le soleil ce n'est pas le dieu de ce monde, parce que le soleil a besoin de qui lui a donné cette limite. فيفهم العاقل أن كل شيء له حد فهو مخلوق مهما كان ذلك الحد في القلة والصغر أو الكبر. Celui qui a la raison, qui utilise correctement sa raison, il sait que toute chose qui a une limite, c'est une chose qui est créée, quelle que soit la limite, qu'elle soit petite ou grande. العرش له حد هو أكبر الحدود ما خلق الله أوسع منه فهو يحتاج إلى من جعله على هذا الحد. Le trône, Al-Arsh, il a une limite. c'est la plus grande des limites. Allah n'a pas créé plus grand que le trône. Il a besoin de qui lui accorder cette limite. فَالَّذِي جَعَلَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَدٌ أَيْ كَمِّيَّةٌ وَمِسَاحَةٌ. Celui qui lui a qui a accordé au trône cette limite, il n'est pas possible que lui-même ait une limite, c'est-à-dire une quantité et une étendue. وَلَوْ كَانَ يُوْجَدُ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْعَرْشِ حَدًّا وَمِسَاحَةً إِلَى أَضْعَافِ أَضْعَافِ حَجْمِ الْعَرْشِ الْيَوْمِ لَكَانَ مَخْلُوقًا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا. Et celui qui a besoin d'une limite, il n'est pas possible que ce soit un dieu. S'il y avait un corps qui soit plus grand que Al-Arsh par ses limites, par son étendue, même des milliers et des milliers de fois plus grand que le trône, il serait quand même créé. Il n'est pas possible que ce soit un dieu. Allahu tabaraka wa ta'ala mawjoudun la kal mawjoudat. Allahu tabaraka wa ta'ala est un être qui existe et qui n'a pas de ressemblance avec tout ce qui existe. Allahu laysa dha haddin dha kammiyatin. Allah, il n'est pas de ceux qui ont une limite, de ceux qui ont une quantité. لأنه لو كانت له كمية لكان كالشمس والعرش أي لكان محتاجا إلى من جعله على ذلك الحد. Si Allah avait eu une quantité et une limite, il aurait été semblable au soleil, il aurait été semblable au trône, c'est-à-dire il aurait eu besoin de qui lui a donné cette limite. فعقيدة أهل الحق أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان ولا حد ولا شكل. La croyance de Ahlul Haqq, des gens de la vérité, des sunnites, de Ahlul Sunnah wal Jama'ah, est que Allah تبارك وتعالى existe sans endroit, sans limite et sans forme. لذلك قال الأكابر الإمام أحمد بن حنبل الذي كان في المئة الثانية ثم توفي في أثناء المئة الثالثة والإمام ذو النون المصري وهو كذلك كان في القرن الثاني أدرك جزءا من القرن الثاني عشرات من القرن الثاني ثم أخذ عشرات من القرن الثالث الهجري قال كل من هذين الإمامين عبارة موافقة لكتاب الله للقرآن C'est pour cela que des grands, des illustres savants de cette communauté, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui a vécu dans le deuxième siècle de l'Hégire et il est mort dans le troisième siècle de l'Hégire, ainsi que l'imam Dhunnun al-Masri, qui également lui aussi était dans le deuxième siècle de l'Hégire, il a vécu une partie du deuxième siècle et une partie du troisième siècle de l'Hégire, des dizaines d'années à chaque fois. Chacun de ces deux imams ont dit une parole qui est conforme au Coran, au livre de Allah, qui fait partie des paroles précieuses dans le Tawhid. قَالَ كَلَامًا مِنْ جَوَاهِرِ التَّوْحِيدِ مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Ils ont dit une parole qui est très précieuse dans le Tawhid, qui signifie « Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. »« Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. » ومن الأمر المهم تعليم الأهالي والأصدقاء عقيدة التوحيد الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة. Il est très important d'enseigner à la famille et aux amis la croyance du tawhid, qui est la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Laysa ma tusammihi al-wahhabiyyah at-tawhid, non pas ce que les wahhabites appellent le tawhid. Min ayna lahum at-tawhid wa hum yaj'aluna Allah bi qadri al-'arsh wa ya'taqiduna fihi al-julus wal julus la yakunu illa min shay'in murakkabin min nisfin a'la wa nisfin asfal. Les wahhabites n'ont pas de tawhid. Comment est-ce qu'on dit qu'ils sont sur le tawhid alors qu'ils considèrent que Allah est de la taille du trône? Ils ont pour croyance que Allah est assis, alors que la position assise ne peut avoir lieu que de quelque chose qui est composé d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. Al-kilabu tajlis, wal-baqaru tajlis. Kayfa yadda'una annahum min ahli tawhid wa hum ja'alu Allah mithla khalqihi. Les chiens s'assoient, les vaches s'assoient. Comment prétendent-ils ces wahhabites qui font partie des gens du tawhid alors qu'ils ont considéré que Allah est semblable à ses créatures? Thumma innahum al-wahhabiyyah yukaffiruna an-nas zadu fawqa kufri 'aqidatihim takfir al-muslimin. Et les wahhabites, en plus, ils déclarent mécréants les gens. En plus de leur mécréance d'assimiler Allah à ses créatures, ils déclarent mécréants les musulmans. عندهم الذي لا يعتقد أن الله مستقر فوق العرش بذاته كافر. Les wahhabites considèrent que celui qui ne croit pas que Allah est installé au-dessus du trône, celui qui n'a pas cette croyance, pour eux, ils le considèrent comme un mécréant. وهم الكفار. Alors que ce sont eux les mécréants, celui qui croit que Allah est un corps, ce n'est pas un musulman. وكذلك من نادى الرسول وقال يا محمد فهو عندهم كافر وهم الذين كفروا. Et également celui qui dit ya Muhammad, oh Muhammad, ou bien dit ya Rasulallah. Certains qui disent dit ya Rasulallah, yani pour marquer sa, yani son incapacité, son impuissance. Eux, s'ils s'entendent quelqu'un qui dit ya Rasulallah ou ya Muhammad, pour eux c'est un mécréant. Alors que ce sont eux qui sortent de l'islam, parce que celui qui accuse injustement un musulman de sortir de l'islam, cette accusation retombe sur lui. Al-Muslimuna lam yazalu. من أيام الرسول إلى وقتنا هذا يعتبرون قول يا محمد جائزا. Les musulmans, depuis l'époque du messager alayhi salatu wassalam jusqu'à nos jours, ont pour croyance que dire يا محمد c'est qu'est une parole qui est permise. بعهد الرسول قال ذلك شخص علمه الرسول. À l'époque du messager, alayhi salatu wassalam, il y a un homme qui a dit cela. C'est le messager lui-même qui lui a enseigné de dire « Ya Rasulallah, Ya Muhammad ». هذا الرجل شكى إلى الرسول العمى عمى بصره. C'est un homme qui s'est plaint au messager, alayhi salatu wassalam, de sa cécité. Il était aveugle, il s'est plaint de sa cécité. فعلمه الرسول أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي قال له وتسمي حاجتك. Le messager, qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Il lui a enseigné un dua. Et dans ce dua, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la parole ya Muhammad. Il lui a enseigné de dire oh Allah, je te demande et je m'adresse à toi par notre prophète Muhammad, le prophète de la miséricorde. Ô Muhammad, ya Muhammad, je m'adresse par toi à mon Seigneur pour mon affaire, et tu cites ton affaire. الرجل ذهب من عند الرسول إلى مكان الوضوء وتوضأ وصلى ركعتين وقرأ هذا الدعاء كما علمه الرسول. Donc cet homme, il était près du prophète, le prophète lui a enseigné, il est parti ensuite, il est allé à l'endroit où on fait le wudu. Il a fait le wudu, il a accompli deux rak'a, puis il a récité cette invocation, ce dua, tout comme le messager le lui a enseigné. ثم كشف الله تعالى العمى عنه فصار مبصرا. Allah l'a guéri de sa cécité, il a retrouvé, il a recouvré sa vue. فعاد الى مجلس الرسول وقد ابصر. Il est revenu dans l'assemblée du messager en ayant recouvré la vue. هذا في حياة الرسول حصل. Ceci s'est produit à l'époque du messager. ثم بعد وفاة الرسول شخص لما حصل مجاعة شديدة في أهل المدينة انقطع المطر عنهم زمانا ذهب هذا الرجل إلى قبر الرسول. Puis après le décès du messager, il y a un homme, ils étaient dans une époque où il y avait une grande famine parmi les gens de Médine. Il n'y a plus eu la pluie chez eux pendant un certain temps. Cet homme est allé auprès de la tombe du messager. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا. معناه يا رسول الله اطلب من الله أن يغيثهم بالمطر فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا. Donc cet homme est parti auprès de la tombe du prophète et il a dit ô messager de Allah, demande à Allah la pluie pour ta communauté parce qu'ils sont dans un bien piteux état. Ils sont vraiment très très mal. فهذا الرجل ذهب. Donc cet homme est parti. Il a saïd in Aroma. Puis il est parti voir notre maître Omar. Fa akhbarahu mada fa'al. Et il lui a raconté son histoire. Notre maître baka Omar radiyallahu anhu. Notre maître Omar, que Allah l'agré, s'est mis à pleurer. وكان فيما رأى هذا الرجل في الرؤيا بعدما توسل بالنبي واستغاث به أنه رأى في منامه أن الرسول قال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. Donc cet homme, après être parti auprès de la tombe du prophète عليه الصلاة والسلام, il a vu le prophète dans le rêve qui lui a dit: passe le salam à Omar et dis-lui que vous allez recevoir la pluie. الله تعالى أغاثهم بالمطر فذهبت المجاعة عنهم. الله les a soulagés par la pluie, ils n'ont plus eu de famine. هذا الرجل كان من الصحابة. Cet homme était un compagnon. لم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا من غير الصحابة المسلمون. Personne ne lui a reproché ce qu'il avait fait, ni parmi les compagnons, ni parmi autres que les compagnons, parmi les musulmans. أعجبهم استغاثته بالرسول. Au contraire, le fait qu'il ait demandé le renfort au messager n'aura plu. ذهابه إلى قبر الرسول ونداؤه يا رسول الله أعجبهم. Le fait qu'il se soit rendu auprès de la tombe du messager عليه الصلاة والسلام et qu'il ait demandé le renfort du messager, cela quelque chose qui leur a plu. أما هؤلاء الملاعين الوهابية عندهم شرك هذا. Mais ces wahhabites, eux, ils considèrent que ça c'est du shirk. Selon eux, ils comprennent la religion mieux que notre maître Omar et mieux que les compagnons. Ils considèrent que ça, c'est du shirk. هذا عندهم كفر. Pour eux, ça, c'est de la mécréance. Allahu yakfina sharrahum. Que Allah nous préserve de leur mal. Allahu yakfil muslimina sharrahum. Que Allah préserve les musulmans de leur mal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et nous reviendrons à son jugement. فليحمد كل واحد منا أن أخرجنا الله من هؤلاء الضالين من هذه الوهابية ومن جماعة سيد قطب الذين يكفرون الحكام والرعاية إذا كان الحاكم حاكم البلاد يحكم بغير الشرع بغير شريعة الإسلام ولو بمسألة واحدة يكفرون الحكام ويكفرون الرعاية الذين يعيشون في ظلهم فلذلك يغتالون الناس ويحطون متفجرات في مجتمع الناس في مصر والجزائر وفي غيرها من الدول. Donc remerciez Allah qui vous a épargné de ne pas être parmi les wahhabites, ni parmi le groupe de Sayyid Qutb, ceux qui déclarent mécréants les gouverneurs des pays musulmans et les administrés. Ils déclarent mécréants les policiers, ils déclarent mécréants l'armée, ceux lorsque le gouverneur du pays n'applique pas la loi islamique, même pour un seul sujet, ils le déclarent mécréant. Et il déclare mécréants les gens qui ne se révoltent pas, qui vivent gérés par de tels gouverneurs. C'est pour cela qu'ils font des attentats, ils tuent des gens, ils posent des bombes dans les lieux de rassemblement des gens en Égypte, en Algérie et ailleurs. كذلك الله حفظنا من جماعة محمد رجب ديب وأحمد كفتارو فهؤلاء عندهم أقوال سخيفة ضد الدين. Et heureusement que Allah n'a pas fait de nous des gens qui suivent des charlatans comme Muhammad Rajab Dib ou bien Ahmed Kaftaru, qui disent des paroles stupides qui sont contraires à la religion. Muhammad Rajab Dib yaqul inna Allah yudandilu ra'sahu min as-samaa' yawm al-jum'ah yaqulu ya 'ibadi ta'alu ila al-jami' ja'ala Allah ka insan lahu ra's ila ghayri thalik. Cet homme Muhammad Rajab Dib dit que Allah penche la tête du ciel le vendredi et il dit: mes esclaves, venez à la mosquée. Il a considéré Allah comme si c'était un homme qui a une tête et autre que cela. ثم قال لجماعته في الشام إذا جاءكم منكر ونكير في القبر فقولوا نحن من جماعة الشيخ رجب. Il a dit à ses élèves dans le Sham: lorsque Munkar et Nakir vont venir à vous dans la tombe, dites: nous sommes du groupe de Sheikh Rajab. ما أحد قالها من أولياء الله من أول تاريخ البشر أيام آدم إلى يومنا هذا إلا هذا الرجل السخيف. Personne parmi les saints, les walis, n'a dit de telles paroles depuis l'époque de notre maître Adam jusqu'à notre époque. Aucun saint d'aucune communauté n'a dit cela hormis cet homme stupide. Abu Bakr al-Siddiq ما قال هذا. Notre maître Abu Bakr al-Siddiq n'a pas dit cela. Il n'a pas dit aux gens: quand Munkar Nakir vient à vous, dites que nous suivons Abu Bakr. ولا عمر ولا شيخ عبد القادر الجيلاني ولا شيخ أحمد الرفاعي، ما أحد قال لي لجماعته إذا جاءكم منكر ونكير في القبر فقولوا نحن من جماعة الشيخ فلان. مما notre maître عمر بن الخطاب ni le شيخ عبد القادر الجيلاني ni le شيخ أحمد الرفاعي. Depuis que personne n'a dit à son groupe si Munkar et Nakir vont venir vous interroger dans la tombe, dites nous sommes les élèves de tel sheikh. وهؤلاء حزب التحرير ماذا يرون ويعتقدون؟ يرون أن الذي يموت في هذا الزمن ولم يبايع خليفة، أي لم يأخذ العهد على خليفة، أي أمير المؤمنين العام، أي الذي يحكم المؤمنين كلهم في الشرق والغرب، الذي يموت قبل أن يبايع إماما، جعلوه ميتته إذا مات كميتة عباد الأوثان. هؤلاء حزب التحرير، هذا كلامهم. أنجاس أنجاس. إي حزب التحرير le troisième groupe, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont pour croyance? Ils considèrent que celui qui meurt dans notre époque sans avoir fait un pacte d'allégeance, sans s'être engagé à obéir à un calife, c'est-à-dire l'émir des croyants, l'émir général de tous les musulmans à l'est et à l'ouest, celui qui meurt avant de désigner un imam, ils prétendent qu'il est mort comme les idolâtres. Voilà la croyance de Hizb al-Tahrir. هذه العقيدة التي نحن نتعلمها هي عقيدة مئات الملايين، أن الله موجود لا كالموجودات. Cette croyance que nous apprenons, c'est la croyance des centaines de millions. C'est-à-dire que Allah n'existe pas comme tout ce qui existe. أندونيسيا أكثر من 100 مليون. وهم شافعية في الفقه وأشعرية مثلنا، يعتقدون عقيدتنا أن الله موجود بلا مكان. الإندونيسي c'est plus de 100 millions de musulmans. Ils sont des shafi'ites dans la jurisprudence et ils sont ash'arites dans la croyance. Ils apprennent comme nous que Allah existe sans endroit. علماؤهم هذا الذي يعلمونه ويدرسونه. ومصر كذلك والمغرب والجزائر وتركيا وباكستان والهند. Et leurs savants, c'est ce qu'ils enseignent et c'est ce qu'ils étudient. En Égypte également, au Maroc, en Algérie, en Turquie, au Pakistan, en Inde, en Tunisie, tous les pays de l'Ahl Sunnati wal Jama'a. كل البلاد الإسلامية في الشرق والغرب على هذه العقيدة. Tous les pays de l'Islam, à l'Est et à l'Ouest, ont cette croyance. أهل مكة والمدينة أيضا عقيدتهم هذه. Les gens de la Mecque et de Médine également, c'est cela leur croyance. لكن الوهابية حكمتهم منذ 70 سنة تقريبا. فصارت تعلم هذا أن الله جالس على العرش وما أشبه ذلك. Mais les Wahhabites ont pris de force la Mecque et Médine depuis plus de 70 ans et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont mis à enseigner aux enfants dans les écoles et aux gens que Allah est assis sur le trône et ce qui est semblable. كذلك أحمد كفتارو والشيخ محمد رجبديد وهو من جملة مقالاته الكفرية أنه كان زار النمسا ثم ذاك رد له الزيارة إلى الشام فقال له أمام الناس أمام جماعته في درسه موجها له الخطاب نحن اعترفنا لكم بأن دينكم سماوي وأنتم نريد أن تعترفوا لنا بأن ديننا سماوي جعل هذا الكاردينال الذي يعبد الصليب وعيسى وأما عيسى عليهما السلام قال أنتم على دين حق دين سماوي واعترفنا لكم بذلك وأنتم اعترفوا لنا هذا لا يقوله إلا كافر. Donc Ahmed Kaftaru et le Cheikh Mohamed Rajabdib, parmi les égarements qu'il a dit, c'est que il avait visité l'Autriche et l'autre lui a rendu la visite au pays de Hacham. Il lui a dit devant tout le monde, devant son groupe, dans son cours, en s'adressant à lui, il lui a dit « Nous avons reconnu que votre religion est une religion céleste. Et vous, nous voulons que vous reconnaissiez que notre religion est céleste. » Ce cardinal qui adore la croix et qui adore Isa, qui adore la mère de Isa, il lui a dit « Vous, votre religion est une religion de vérité, une religion céleste. Nous avons reconnu cela. Maintenant, reconnaissez aussi vous cela. » هذا لا يقوله إلا كافر. Cette parole ne peut être dite que par un mécréant. هذا قاله بالشام قبل 20 سنة. Il a dit cela au pays de Hacham il y a 20 ans. وهذا أيضا بنى مدرسة الرجبية الكفتارية سموها الإخاء الوطني في كركول عند الدروز. Et donc cet homme il a fait construire une école qu'il a dans laquelle il prend les enfants pour leur enseigner ses mécréances. بقي علينا أن نذكر هذه جماعة امرأة اسمها سحر حلبي. هؤلاء أيضا ضالات لأنهن يعتقدن عقيدة كفرية. Il reste également de citer un groupe d'une femme qui s'appelle Sahar Halabi. Ce sont des femmes qui ont une croyance de mécréance. يَقُلْنَا كُلُّ شَيْءٍ تَهْوَاهُ مَوْجُودٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. Ils disent que toute chose que tu aimes est en l'être de Dieu. يعني يَقُولُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ جُمْلَةُ الْعَالَمِ. هذا معناه. Donc ils ont pour croyance que Allah c'est la totalité de ce monde. وَيَقُلْنَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْلٌ بهية وشمس مضيئة يشبهنا الله بالليل وبالشمس. Et ils disent à propos de Allah que c'est une belle nuit et un beau soleil éclairant. C'est-à-dire, elles assimilent Allah à la nuit et au soleil. الكلمة الثانية من جماعتهن التي بالشام من جماعة منيرة قبيسي. Donc la deuxième parole, c'est celle de leur groupe qui se trouve dans le pays de Hacham, qui suit une femme qui s'appelle منيرة قبيسي. هي هذه الفكرة الخبيثة العقيدة الخبيثة ابتدأت بمنيرة قبيسي هي شامية بعد هي في الحياة ثم هي علمت أميرة جبريل ثم أميرة جبريل علمت سحر حلبي. Donc en fait cette mauvaise croyance elle a débuté avec cette femme qui s'appelle منيرة قبيسي. Cette femme منيرة قبيسي qui est encore vivante a enseigné à أميرة جبريل. Ensuite أميرة جبريل a enseigné à سحر حلبي. بعض النساء الشاميات أخبرت الشيخ ببعض مقالاتهن الكفرية لما كان بالشام قبل 8 أشهر وهو قال وهنا سمعنا عنهن كثيرا. وصل إلينا هذا الكتاب الذي فيه مكتوب هذه المقولة الكفرية. Donc le cheikh a dit moi j'ai vu ce livre dans lequel il y a cette parole de mécréance. ثم عندهن ما يشبه عقيدة اليهود. Elles ont également quelque chose qui ressemble à la croyance des juifs. هو أن الحائض إذا غمست يدها في الطبيخ أو نحو ذلك صار نجسا. هذا عقيدة اليهود ليس عقيدة المسلمين. Elles ont pour croyance que si la femme qui a les menstrues met sa main dans un récipient où il y a de l'eau, elle rend toute l'eau impure. Et ça, ce n'est pas la croyance des musulmans, c'est la croyance des juifs. هذه ترجع إلى عقيدة اليهود. كذلك معروف عندهن أن يقولن أن البيت الوسخ يهرب منه الله والعياذ بالله نسبنا الهرب إلى الله وهذا كفر. Donc ils disent aussi que la maison qui est sale Allah s'enfuit de cette maison. Ils ont attribué à Allah la fuite والعياذ بالله. فالواجب لما نذكر هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى متى ترعون عن ذكر التاجر اذكروه بما فيه ليحذره الناس. Pourquoi est-ce que nous citons les gens ainsi par leur appellation? Parce que le messager عليه الصلاة والسلام a dit jusqu'à quand vous évitez de citer celui qui est pervers, celui qui est égaré. Citez-le par ses égarements pour que les gens se méfie de lui. لأن الله وصف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأوصاف. Allah a décrit la communauté de notre maître Muhammad عليه الصلاة والسلام par certaines caractéristiques. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés qui soit apparue, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu. Et ceci fait partie de ce qui est renié, ce qui est blâmable. Certains ils disent pourquoi est-ce que je vais m'ouvrir cette porte? Moi je fais la prière, je fais le jeûne et eux ils se débrouillent. الرسول عليه الصلاة والسلام ما سكت لرجل خطيب قال من أطاع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصهما فقد غوى. الرسول قال له بئس الخطيب أنت, ما سكت, ما ترك هذه, والذي يسمع يقول ما فيها شيء. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il n'a pas laissé passer la parole de quelqu'un qui a dit celui qui obéit à Allah et à son messager, il aura gagné, et celui qui leur désobéit, il aura perdu. Et le prophète n'a pas laissé passer cette phrase. Il lui a dit, quel mauvais orateur tu fais. Alors que quelqu'un qui n'a pas appris, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase ? ماذا فيها ? هو قال, من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصيهما فقد غوى. لأنه جمع بين الله ورسوله في ضمير. قال من يعصيهما. هذا من قلة, يعني ما فيه الأدب المطلوب. فما سكت عنه الرسول, نبهه, قال له بئس الخطيب أنت. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé un même pronom au sujet de Allah et du messager. Il a dit celui qui leur désobéit. Ce n'est pas ainsi qu'il convient de parler. Donc pour ça, il n'a pas laissé passer. فَكَيْفَ بِالَّذِينَ يَقُولُونَ الْكُفْرَ هَلْ نَسْكُتُ عَنْهُمْ. Que dire alors de ceux qui disent la mécréance sous prétexte d'enseigner la religion, est-ce qu'on va laisser passer ? فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. كَثِيرُ مِنَ الرِّجَالِ يَغْتَرُونَ بِالْمَظَاهِرِ. Beaucoup de gens tombent sous le piège des apparences. Beaucoup. فنطلب نسأل الله تعالى السلامة. Demandons à Allah تعالى la sauvegarde. الله يعفو عنا. والله nous préserve. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العلم. Le messager عليه الصلاة والسلام il a incité à la science. قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ainsi dans un hadith rapporté par At-Tabarani dans son Mu'jam, par Ibn Abi Asim dans son livre, que Allah leur fasse miséricorde, avec une chaîne de transmission de degré du sahih, que le messager عليه الصلاة والسلام a dit ce qui signifie: ô vous les gens, apprenez la science s'acquiert par l'apprentissage, et la science de la religion s'acquiert par transmission orale. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la science de la religion. Wa rawal Bukhari bi isnad sahih 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ballighu 'anni walau ayah. Et Al-Bukhari a rapporté dans le sahih que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: transmettez de moi même un seul verset, même un seul verset. بعض المسائل المفيدة, quelques informations qui sont utiles. قال الشيخ رحمه الله فرض كفاية ترى الهلال كل شهر. C'est une obligation d'ordre communautaire que de faire l'observation du croissant lunaire des mois chaque mois. لابد أن يوجد من يراقب الهلال. Il est indispensable qu'il y ait des gens qui fassent l'observation pour voir le croissant lunaire. أما مراقبة الأوقات الخمس هذه أهم أوقات الصلوات. Et pour ce qui est de faire l'observation des horaires des cinq prières, c'est plus important encore. خصص ناسا لتراء الأهلة. Désigner des gens spécifiques pour l'observation des croissants. كل بلد يختلف شروقه وغروبه من غير عن غيرها يجب في كل تراء الهلال. Lorsqu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil, dans chacun des deux, il faut qu'il y ait des gens qui fassent l'observation des croissants lunaires. أما التي شروقها وغروبها تساوى مُرَاقَبَتُهَا فِي بَلْدَةٍ تَكْفِي غَيْرَهَا. Mais lorsque ce sont des pays limitrophes qui ont même horaire pour le lever et le coucher du soleil, alors si l'observation est faite dans une de ces villes, c'est suffisant pour l'autre ville. أَوَّلُ لَيْلَةٍ الْهِلَالِ يَبْقَى قَرِيبٍ نَصْفُ سَاعَةٍ. Donc la première nuit, le croissant, on peut l'observer la demi-heure après le coucher du soleil. اللَّيْلَ الثَّانِيَ قَرِيبْ سَاعَةٍ. La deuxième nuit, on peut l'observer pendant une heure environ. وَفِي الثَّالِثَ نَحْوَ سَاعَةٍ وَثُلُثٍ. Et la troisième nuit, on peut voir le croissant environ une heure et vingt minutes. اللَّيْلَ الثَّالِثَ يَغِيبُ عَلَى سَاعَةٍ وَثُلُثٍ. Donc la troisième nuit, le croissant lunaire se couche environ 1h20 minutes après le soleil. الفلكي الذي يعتمد على الحساب لا يعتمد عليه لا للوقت يعني وقت الصلاة ولا للصيام. Donc celui qui utilise les calculs soi-disant pour déterminer quand est-ce que le soleil se couche ou quand est-ce que le croissant lunaire est observé, on ne se base pas sur leurs calculs ni pour le temps ni pour le jeûne, ni pour le temps de la prière ni pour le jeûne. ورد في الحديث أنه في آخر الزمان تعلو التحوت وتنزل العالي تعلو التحوت وتنزل الأعالي. Il est rapporté qu'à la fin des temps, les gens médiocres prennent de la hauteur et les gens nobles sont rabaissés. الطيبون يخفضون والأراذل يرفعون. هكذا اليوم. Les gens qui sont bons, ils sont rabaissés. Et les gens qui sont médiocres, qui sont vils, ils sont élevés. C'est le cas aujourd'hui. تخفض الوعول وترفع التحوت الأراذل. الوعول يعني الأقوياء. تيس الجبل هذا الشديد اسمه وعل. Le bouc qui est fort dans la montagne s'appelle وعل. Donc les gens qui sont forts, qui sont bons, on les rabaisse. Et les gens qui sont vils et bas, on les élève. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون. Certes, nous appartenons à Allah et nous retournerons à lui pour le jugement. قبل أن ننتهي نأخذ فائدة في علم الدين الضروري. Avant de terminer, on prend quelques rappels dans la séance obligatoire. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن الاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. Parmi les péchés du corps, il y a le fait de s'endetter pour celui qui n'espère pas pouvoir rembourser ses dettes à partir d'une source de revenus identifiée, et il ne prévient pas son créancier de son état. الشرح أن من معاصي البدن الاستدانة للذي ليس بحالة الاضطرار إن كان لا يرجو وفاء للدين الذي يستدينه من جهة ظاهرة إذا لم يعلم دائنه بذلك إذا لم يعلم دائنه بذلك أي لم يعلمه بحاله أي أنه لا يرجو لهذا الدين وفاء من جهة ظاهرة. Parmi les péchés du corps, il y a le fait de s'endetter pour quelqu'un qui n'est pas dans un besoin vital. Lorsqu'il n'espère pas pouvoir rembourser sa dette d'une source connue et qu'il n'informe pas son créancier de son état. C'est-à-dire, il ne dit pas que je n'espère pas pouvoir te rembourser parce que je n'ai pas de source de revenus identifiée. أي ليس عنده ملك ولا مهنة يستغلها لرد الدين. C'est-à-dire, il n'a pas de propriété ni de travail qui lui permette de rembourser sa dette. فإن كان يرجو له وفاء من جهة ظاهرة فلا حرج عليه في الاستدانة. Par contre, s'il considère qu'il a une source de revenus identifiée à partir de laquelle il peut rembourser sa dette, il n'y a pas de mal pour lui de s'endetter. وقال المؤلف رحمه الله وعدم انظار المعسر. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: il y a le fait de ne pas accepter de donner un délai de remboursement supplémentaire pour quelqu'un qui est dans l'incapacité de rembourser. الشرح أن من معاصي البدن ترك الدائن انظار المعسر أي العاجز عن قضاء ما عليه. Parmi les péchés du corps, il y a le fait que le créancier n'accepte pas d'accorder un délai supplémentaire à celui qui est incapable de rembourser sa dette. مَعِلْمِهِ بِأَسَالِهِ Tout en sachant qu'il est incapable de rembourser. فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مُلَازَمَتُهُ أَوْ حَبْسُهُ Il lui est donc interdit de l'emprisonner, par exemple. ويحرم عليه مطالبته مع علمه بعجزه. Il lui est interdit de lui réclamer le remboursement alors qu'il sait qu'il est incapable de rembourser. كان يقول له الآن تعطيني مالي. Comme s'il lui dit maintenant tu me rends mon argent. روى مسلم من حديث أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع له من أنظر معسرا يعني أعطاه وقت زيادة أو وضع له يعني خفف عليه يعني هي مثلا يحب من عنده 10,000 قال له تعطيني 5,000 يكفي أو وضع له أظله الله في ظله يعني ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مسلم a rapporté du hadith de Abu Yasar que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui accorde un délai supplémentaire à celui qui est dans l'incapacité de rembourser ou qui lui diminue sa dette, c'est-à-dire il lui devait 10 000, il lui dit donne-moi 5 000, ça suffit. Celui-là, Allah fait qu'il sera abrité à l'ombre du trône au jour du jugement, le jour où il n'y a pas d'autre ombre que celle du trône. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن بذل المال في معصية. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du corps il y a dépenser de l'argent dans un péché. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر بذل المال في معصية من معاصي الله تعالى كبيرة كانت أو صغيرة. Explication: parmi les péchés du corps qui comptent au nombre des grands péchés, il y a le fait de dépenser de l'argent dans une désobéissance à Allah, que ce soit un grand péché ou un petit péché. ويلتحق بهذا الإنفاق المحرم ما يبذل للمغنيات والمغنين أجرة. Donc rentre dans ce cadre de dépenser de l'argent dans un péché ce qui est donné aux chanteuses et aux chanteurs à titre de salaire. إذا كان هو اشترط قال له أغني لك في العرس تعطيني ألف يعني أجرة هذه الأجرة حرام. أما لو قال له أنا آتي أغني وهو يعطيه ألف هبة هدية هذا ليس حراما أن يعطيه الهبة ليس حراما ما تكلمنا على الغناء فقط على المال المال هبة لا يحرم. Donc si quelqu'un vient et dit moi je chante dans ton mariage à condition que tu me payes 1000 c'est mon salaire là cette transaction elle n'est pas valable et l'argent ne rentre pas dans la propriété du chanteur. C'est un péché que de faire un contrat de service, de louer le service de quelqu'un pour chanter. C'est un grand péché de payer de l'argent dans une désobéissance. Par contre, si il lui a dit tu viens chanter et il chante gratuitement et lui il lui donne un cadeau 1000, cet argent il rentre dans sa propriété. Cet argent il n'est pas interdit pour lui de le prendre parce que c'est un cadeau. Ce n'est pas une location de service. Vous voyez la différence. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم.